Ouais, mais au pire, je vais acheter. Interroger, un matin me lever mes questionnements. Ce que dans la vie j'ai conquis, ce que j'allais conquérir. Quelque chose de bien je veux acquérir. Manier mes 10 doigts pour guérir mon avenir. Aucun talent à part la musique. Le cégep, j'ai niaisé pour m'inscrire. Alors fuck la technique, où je vais me retrouver. Dans 10 ans pendant une manufacture de fabrique. Chris, ma vie gâchée par un problème que j'osais pas penser. Mais qu'aujourd'hui m'atterrit en pleine face. Accompagné de la haine, la rage de vivre le pire calice. Ça m'attriste, pis ça n'a rien de réaliste, hein. Qui me convient, qui vient vraiment me convaincre qu'on construit quelque chose de bien pour demain. Est-ce que je vais manger à ma faim? Avoir du pain, rester durement basé sur l'éducation. Je vais pas me retrouver en réadaptation. Vouloir atteindre le ciel, c'est pas une solution. Pour l'instant, ma vie, c'est le rap. Ça m'aide à me foutre des claques, garder vivant, le reste, c'est plate. Très bientôt, va falloir m'ouvrir les yeux. Même si je sais que ça va me rendre malheureux. Essayons de résister valeureux. Sinon, je me défoule, c'est la crise. Mes décisions m'ont eu, donc m'ont fait une prise. Juste assez fort pour que dans ma tête, sonne les cerises. Ce que je vais faire, je vais vite sur moi, ça sert. J'ai déjà ma place, rien à faire. Et je suis déjà dedans. Chaque jour, on fait serrer les dents. Pour me défouler, je croque dans la pomme comme Adam. Ouais, je croque dedans. Sujet sérieux, y'a trop de gens envieux. Pensant que je suis toujours heureux. À savoir ce qui s'en vient, à leur place, je serais pas heureux. Pas juste pour moi, mais pour eux. Ah, tu crois-tu ça? Dans 5 ans, on va mourir de maladies. Infestés, diagnostiqués, on pourra même pas se mettre à l'abri. Moi, j'y appris, soudainement, je désapprends. Que je me suis servi, c'est décevant, pis ça me ferait continuer d'investir sur des rires, pis à fonctionner les deux yeux fermés. Dans une couple d'années, vous viendrez confirmer ce que je voulais affirmer. Mais il va être trop tard, la souffrance sera déjà hanté nos corps. Je vis jour pour jour, et demain sera mon sort. Pardonnez-moi d'être si sombre, c'est que je devrais laisser mon âme. Je sais pas quand, à rien faire comme ça, je ne vous viendrai pleurer sur ma tombe. J'ai tout essayé, mais l'école décolle de ma peau, en plus c'est essentiel. Le rap a pris le monopole, par chance. Sinon comme mon pote, c'est dans le fleuve que naviguerait mon corps en flop. Merci au rap de pas trop faire péter ma note. Ce que je vais faire,